quelques songes. Évanouis, les souvenirs ont un nom fragile et n'osent m'ennuyer. Et maintenant, tout va mieux. Je flotte en leur sein. Être à l'abri du temps, mais les ombres s'affolent et s'en mêlent au présent. Ton visage est clair, tes yeux roulent dans l'air, tout se dissipe à mesure.